des bases et des fondements corrects pour vous tous, et pour qu'on puisse justement reconnaître le tawhid et le shirk et le muwahhid et le mushrik, et de même que ce soit pour nous, inshallah, enfin pour une sadaqa jariya, une aumône continue, et une science utile qu'on laisse derrière nous, dans l'espoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'il nous soit profitable après la mort et dans ce bon monde. Assalamu alaikum.